أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Là, je rallume juste son micro à lui. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وهو أمير المؤمنين في الحديث قال باب من رفع صوته بالعلم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعمان عارم ذو الفضل قال حدثنا أبو عوانة أو أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا في الأسبوع الماضي توقفنا عند مسألة سنعيدها ونستمر في استخراج بعض الفوائد من هذا الحديث فرأينا في الأسبوع الماضي أن المسح لا يجزي عن الخبز وهل يجزي الغسل عن المس أي مسح الرأس فهنا فيه قولان للعلماء القول الأول أنه يكره والقول الثاني عدم الإجزاء به وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد وإن أراد الرغبة عن السنة فعمله باطل وهو على خطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه قال من رغب عن سنتي فليس مني فهو رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع غيره وإنما شرع مسح الرأس تخفيفا على العباد وأقل شيء أن يقال أنه يكره وهناك ما هو الفرق بين الغسل والمس فالغسل هو أن يبقى الماء ويجري ويتبلل ذلك الموضع بصورة يظهر على ذلك بخلاف المسح قد لا يظهر البلل Le guide des croyants dans le hadith, l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre, chapitre, celui qui élève sa voix pour dispenser la science. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a relaté une chaîne de transmission. Jusqu'à arriver au compagnon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu que celui-ci a dit nous avons entrepris en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un voyage dont le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est attardé. Puis, il nous a rattrapés. Alors que le temps de la prière était court, c'est-à-dire qu'il restait peu de temps pour que la prière soit effectuée. Et nous étions en train d'accomplir nos ablutions. Nous nous sommes mis à laver nos pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écrié en élevant grandement la voix un châtiment douloureux pour les talons qui seront touchés par le feu. Et il a répété cela deux fois ou trois fois. Donc la semaine dernière, on était en train de voir un point. Et donc, nous allons reprendre ce point et nous allons poursuivre en tirant quelques utilités de ce hadith, bien sûr à la lumière des savants. Donc, comme on a appris la semaine dernière, que passer les mains mouillées lorsqu'on effectue les ablutions, passer les mains mouillées sur un membre à même la peau ne peut remplacer le lavage. Et la question qui a été posée la semaine dernière, est-ce que le lavage peut tenir lieu et place de passer les mains mouillées sur la tête? Et en ce point, il y a eu deux avis. Les savants ont émis deux avis. Le premier avis est qu'il est répréhensible. Qu'il est répréhensible. Le deuxième avis, certains savants ont dit qu'il est formellement interdit. Et ces savants, ils se sont basés par rapport à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur livre As-Sahih, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, c'est-à-dire de la législation, est à rejeter. » Et donc, celui maintenant qu'il désire donc laver sa tête au lieu de passer les mains mouillées sur la tête. Et cela en renonçant et en rejetant la sunna. Celui-ci, son acte est vain. Et même, il se trouve en grave danger. Il se trouve en grave danger. D'après le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih, et également Muslim dans son sahih, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui abandonne volontairement ma sunna et qui la rejette, alors celui-ci ne suit pas ma sunna. » Et donc, celui qui agit ainsi, c'est-à-dire qu'il, au lieu de passer les mains mouillées sur la tête, il lave ses cheveux. Celui-ci a rejeté volontairement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a légitimé autre que ce avec quoi la législation a ordonné. Et donc, on sait que passer les mains mouillées sur les cheveux, simplement cela a été légitimé pour un allègement d'alléger les serviteurs. C'est un allègement. Et la moindre des choses qu'on peut dire, donc, c'est que c'est répugnant. Et il y a une autre question qui se pose, quelle est la différence entre le lavage et passer les mains mouillées sur donc, les membres du corps? Comment fait-on la distinction? La distinction pour le lavage est que l'eau reste, que l'eau s'écoule et que apparaît l'humidité dans l'endroit qu'on a lavé. Et cela se voit d'une manière claire, apparente. Contrairement à passer les mains mouillées sur un membre, il se peut que l'humidité n'apparaisse même pas. Donc voici ce qui a été mentionné des gens de science, la différence entre le lavage et passer les mains mouillées sur le membre. Inna falmaqsoud min dhalik. لما كان أمر الطهارة مهما وشأنها عظيم فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بأعلى ليدركوا أهمية الموضوع وأهمية الأمر فيقبل على الإحسان في طهارتهم وكافة أعمالهم فيقول الله عز وجل وأحسنوا والله يحب المحسنين. Et donc ce qui a été recherché dans ce hadith, ce qui a été visé, c'est, étant donné le cas de la purification et d'une importance, et que son cas est grave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu les compagnons donc laver leurs pieds, il s'est écrié en levant grandement la voix, afin qu'ils saisissent l'importance du sujet, afin qu'ils saisissent et qu'ils prennent conscience de l'importance de l'ordre, et qu'ils se tournent vers la bienfaisance, c'est-à-dire d'accomplir parfaitement les actes d'obéissance. c'est-à-dire d'accomplir parfaitement les actes d'obéissance et dans leur totalité. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et soyez bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Le sens ici, c'est-à-dire d'accomplir parfaitement les actes d'obéissance. فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم خاصة في المسائل التي لا يسع الإنسان جهله ولا ينبغي أن يفوته علمها ولا يمكن تأجيلها ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة لأن البيان فيه إعلام الناس بصورة كافة ولا يسع ذلك في تلك الفترة إلا أن يرفع صوته فيسمع كل أحد ويفهمون منه خطابه ويلتزمون به. Et donc regardez, lorsqu'on a mentionné ce hadith, lorsqu'on a lu ce hadith, donc regardez comment le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseignait ses compagnons, qu'Allah les agrée, spécifiquement et surtout sur des points que personne ne devait ignorer et que personne ne devait omettre concernant la science de ce point, et dont on ne pouvait et il était impossible qu'on puisse reporter cette information, et qu'il était interdit également d'ajourner la mise en évidence, l'éclaircissement de ce point à une date ultérieure, lorsque le besoin en était nécessaire. Et donc, ici, dans cette époque, c'est-à-dire à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc, enseigner, faire connaître cette information, cet éclaircissement, ne pouvait se faire en cette époque que en élevant la voix. Et c'est pour cela que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a élevé sa voix afin que chacun d'entre eux puisse l'entendre et que chacun d'entre eux comprenne son discours et que chacun d'entre eux s'y attache. ثم إن رفع الصوت تستدعيه مواقف الخطاب كخطبة الجمعة والأعياد والمناسبات. إذا رفع الإنسان صوته فهو من السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته وهو يذكر أصحابه الكرام رضي الله عنهم. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته عاليا فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه لأهمية الأمر الذي يحث الناس على فعله أو على تركه. فقد جاء في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم ويذكرهم باليوم الآخر أهواله وكروبه التي تقع فيها والأمور التي قص الله سبحانه وتعالى خبرها في القرآن الكريم المتعلقة بيوم الآخر وكذلك في السنة المطهرة et élevé de la voix également. Cela est exigé dans des situations lorsqu'on va faire face à un public. Comme, par exemple, le prêche du vendredi. Également, le prêche des deux fêtes, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Et aussi pour diverses occasions. Et donc, si la personne élève sa voix, cela fait partie de la sunna. Cela est considéré de la sunna. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il élevait sa voix lors du prêche de vendredi. Quand il faisait un rappel à ses nobles compagnons, qu'Allah les agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait grandement sa voix au point que son visage rougissait et même on voyait sa veine jugulaire. Et a été rapporté, terminé dans son livre Al-Jami'a, et également par l'imam Ahmed dans son livre Al-Musnad. D'après le compagnon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, qui a dit, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prêchait, ses yeux rougissaient, c'est-à-dire apparaissaient du rougeâtre dans ses yeux. Et sa voix s'élevait. Et sa colère s'intensifier. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son prêche, il faisait des recommandations. Il faisait un rappel sur le jour dernier, sur ses tourments, ses frayeurs, ses afflictions qui se en ce jour-là. Et de même, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il relatait les informations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre concernant le jour dernier et ce qui a été rapporté dans la noble et dans la pure sunna. فرفع الصوت سنة للخطباء أعني خطباء المساجد عندما تدعو الحاجة إلى ذلك فيرفع الخطيب صوته لينتفع الناس فيكون سببا على إقبالهم بقلوبهم وجوارحهم بخلاف الصوت الضاعف فإنه قد لا يلتفت إلى الخطيب فيلهو السامع وتحصل عنهم غفلة ويدب إليهم النوم. Et donc, en ayant vu, en ayant cité la preuve que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prêchait, c'est-à-dire concernant le prêche du vendredi, on a vu que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, élevait la voix. Et donc, les savants en ont conclu que c'est une sunna. C'est une sunna pour ceux qui prêchent le vendredi, c'est-à-dire qui accomplissent le prêche du vendredi. C'est une sunna pour eux. Mais lorsqu'il y a un besoin, et que lorsque cela est nécessaire, celui qui prêche, il lui est permis d'élever la voix afin que les gens en tirent profit et que les gens se tournent vers lui avec leur cœur et avec leur corps. Contrairement à celui qui va prêcher avec une faible voix, il se peut qu'il y ait des gens qui vont même pas prêter attention aux prêcheurs. Et il se peut que les gens soient distraits, que ceux qui écoutent soient distraits, qu'il leur arrive d'être négligents. Et que même, il se peut que parmi eux s'empare d'eux le sommeil. وهكذا في التعليم أيضا أن رفع الصوت عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ليسمع المتأخر ويسمع ضعيف السمع الذي لا يسمع إلا بصوت العالي. فمما لا شك فيه أن رفع الصوت فيه فوائد وفيه منافع وهو من السنة. فلذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على مشروعية رفع الصوت بالعلم عندما تدعو الحاجة إلى ذلك من العالم حينما يكون خطيبا واعظا ومذكرا ومعلما للناس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته عند الحاجة إلى ذلك حتى يسمعه من في السوق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، فقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et donc, levez la voix également peut s'accomplir lorsqu'il y a une nécessité, lorsqu'on enseigne. Si une personne, exemple, se trouve loin de celui qui enseigne. Donc là, il sera nécessaire qu'il élève la voix. Ou il se peut que dans l'assemblée, il y ait une personne qui a des problèmes auditifs, qui entend mal, et que celui-ci ne pourra comprendre que si on élève la voix. Et donc, il n'y a aucun doute que élever la voix lors de nécessité et de besoin, il y a des utilités, et il y a des profits. Et même, comme on a vu, cela est une sunna. Et donc c'est pour cela que Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a intitulé son chapitre de la légitimité à élever la voix lorsqu'on dispense la science, lorsqu'il y a un besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait sa voix lors d'un besoin, au point que celui qui se trouvait dans le marché entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait sa voix dans la mosquée, ceux qui se trouvaient en dehors, dans le marché, ils entendaient sa voix. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est notre modèle à suivre. Et c'est pour cela que Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, et certes, vous avez en le messager d'Allah un bon modèle à suivre. Fa narji'u ila al-hadith. Fa qala Abdullah ibn Amr takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safratin safarnaha فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. Donc le compagnon Abdullah ibn Amr رضي الله عنه a dit, lorsque nous avons entrepris un voyage en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci s'est attardé. Il nous a rejoints et le temps de la prière était court. Comme on a dit, il manquait peu de temps pour que le temps de la prière s'écoule. Alors que nous étions à attendre accomplir les ablutions, nous nous sommes mis à laver nos pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écrié en levant la voix, un châtiment douloureux pour les talons qui seront touchés par le feu. Il a répété cela deux fois ou trois fois. Ici, lorsqu'il l'a dit, il a répété deux fois ou trois fois. Fa takrarul mas'alati min masa'il al-'ilm لأهميتها لتفهم وتحفظ حتى يكون السائل أو السامع على بصيرة فالسائل أو السامع سيأتي عليه وقت من الأوقات يكون هو المعلم للناس ويكون هو المبلغ لما سمع وعلم وقد تدعو الحاجة إلى علمه وإن قل فلا بد أن يكون متثبتا مما علم وسمع بخلاف الذي يسمع شيئا من العلم وهو في وسوسة أو غفلة أو لهو أو تشاغل فإنه قد لا يحسن الفهم ومن ثم لا يحسن التبليغ عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. Et donc, lorsque le compagnon a dit, il a répété deux fois ou trois fois, il a répété deux fois ou trois fois sa parole, وَيْلُنِ الْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, c'est-à-dire un châtiment douloureux pour les talons qui seront touchés par le feu. Les savants ont déduit de cette parole que réitérer un point des points de la science pour faire comprendre l'importance de ce point, afin que ce point soit compris et afin que ce point soit appris. De cela, celui qui aura posé la question, le questionneur, ou celui qui écoutera sera basé sur une preuve évidente. Et celui qui écoute ou celui qui entend, il viendra un temps où ça sera à son tour d'enseigner aux gens. Et ça sera à son tour de transmettre ce qu'il a entendu et ce qu'il a appris. Car il se peut que des fois il y a une nécessité qu'il divulgue la science qu'il a acquise lorsque cela sera un besoin, une nécessité. Et même si sa science est peu. Et donc, on voit que la personne, doit maîtriser ce qu'elle a entendu. Elle doit maîtriser ce qu'elle a appris afin de transmettre. Et donc, c'est pour cela que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a réitéré ses propos. Et contrairement à celui qui écoute la science, et il se peut que cette personne, en écoutant la science, elle soit distraite, ou elle a des mauvaises suggestions, ou même qu'elle soit préoccupée et autres. Mais il se peut que cette personne ne pourra pas parfaitement comprendre. Et de même, elle ne pourra pas transmettre d'une manière correcte ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a appris lorsqu'il y aura une nécessité à divulguer cette science. فإعادة المسألة وتكرارها لتفهم وتحفظ وتنقل على وجهها هذا هو الأصل وهذا من السنة. Et donc, répéter et réitérer un point afin de montrer son importance, afin que cela soit compris, afin que cela soit mémorisé et afin que cela soit transmis d'une manière intègre, ceci est la base. Et cela est de la sunna, fait partie de la sunna. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد كلامه ثلاثا حتى يفهم عنه فقد جاء في سنن ابن ماجه وفي مستدرك الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعداها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait, il répétait ses propos trois fois, afin que cela soit compris de lui. Il y a un hadith rapporté par Ibn Majah dans son Sunan, également par Al-Hakim dans son Mustadrak. Le compagnon Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam narrait une parole, il la répétait trois fois afin que cela soit compris. Et lorsqu'il se rendait vers un peuple, vers des gens, et qu'il les saluait, il les saluait trois fois. Li anna shar' Allah منزل بالنقل وبالمشافهة فما حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة إلا بالمشافهة. Et donc, comme vous le savez, les propos du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم faisaient partie de la législation. La législation d'Allah. Et la législation d'Allah a été descendue et a été transmise par voie orale. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mémorisé le livre d'Allah, la parole d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam que par voie orale. Fa ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hafidhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an wa hafidha ba'duhum 'an ba'd wa iktamala al-Qur'an hifdhan fi suduri ba'dihim li'anna ba'dahum قد مات قبل أن يكتمل القرآن ويستظهر القرآن كثير منهم وعلموه إخوانهم وعلموا من بعدهم والسنة النبوية كذلك على كثرتها ما فقد منها حديث صحيح أبداً لأنها داخلة في الذكر الذي وعده الله بالحفظ فقد قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكنها لا تجتمع عند الشخص ولا تخرج عن مجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Et donc les compagnons, qu'Allah les agrée, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ont mémorisé la parole d'Allah Azza wa Jal en écoutant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres ont mémorisé la parole d'Allah Azza wa Jal en écoutant d'autres compagnons. Et le Coran, lorsque il fut révélé entièrement, il a été mémorisé auprès de certains des compagnons, car d'autres compagnons sont décédés avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas pu mémoriser entièrement le Coran. Et certains parmi eux, parmi les compagnons, on a trouvé qu'ils ont mémorisé le Coran entièrement et qu'ils l'ont enseigné à leurs frères et qu'ils l'ont enseigné à ceux qui sont venus après eux. Et également pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa majorité, il n'y a pas un hadith authentique qui a été abandonné, perdu. Pourquoi? Car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du rappel auquel Allah subhanahu wa ta'ala a promis de le préserver et de le protéger. Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Mais maintenant la sunna, une personne, c'est-à-dire tous les ahadiths, il ne peut pas les connaître. Et la sunna également ne peut se trouver que sur un groupe de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de musulmans qui ont la science entièrement de la sunna. فمن هم نقلتها وحفاظها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم فحفظ عنهم وتعلم منهم ونقل عنهم ضبطا ضبط الصدر في أول الأمر وضبط كتابة Et donc, qui sont ceux qui ont transmis et qui ont mémorisé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les nobles compagnons, qu'Allah les agrée. Et ceux qui sont venus à leur suite, ils ont mémorisé la sunna auprès des compagnons. Ils l'ont appris, ils l'ont compris et ils l'ont transmis, mais d'une manière intègre. Comme vous voyez, l'imam al-Bukhari, rahimahallah, il a retranscrit, il a transmis les propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les faits du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière intègre. Et donc, ce sont, comme on a dit, ce sont les compagnons et ceux qui sont venus après eux. Donc, ils ont appris, mémorisé et ils ont donc transmis d'une manière intègre. Ils ont transmis tout d'abord de manière orale, en premier. Et ensuite, ils ont transmis par l'écriture, par la transcription, lorsque l'époque de la transcription était venue. وَهَكَذَا أيضا للقرآن الكريم لم يسقط منه حرف واحد لحفظ الله له، وأن الله عز وجل هيأ له رجالا جعلوا الاهتمام به والغاية من حياتهم بالجمع والحفظ والمدارسة واستنباط الأحكام منها إلى غير ذلك من العنايات بالقرآن الكريم. Et donc également, en ce qui concerne la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, il n'y a pas une lettre de la parole d'Allah Azza wa Jal qui a disparu. Étant donné que Allah s'est porté garant de préserver sa parole. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a disposé, il a mis à disposition des hommes dont leur préoccupation était le Coran, la parole d'Allah, et dont leur objectif, leur but dans leur vie était la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils l'ont mémorisé, ils l'ont étudié, ils l'ont regroupé. Ils en ont même tiré des règles, des sentences de la parole d'Allah Azza wa Jal et d'autres points qui m'ont prêté attention à la parole d'Allah Azza wa Jal. Falida yanbari ala tullab al-ilm khususan an yasiru ala hadha al-nahj alladhi سلكه أسلافهم الأوائل. فيقول عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. تعملنا من العلم والعمل تعلمنا العلم والعمل جميعا فهذه الطريقة الصحيحة. Et donc il convient à ceux qui recherchent la science spécifiquement surtout qu'ils suivent le chemin qu'ont emprunté les prédécesseurs. عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما cela est relaté par البخاري dans son صحيح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه a dit: nous n'allons pas au-delà de 10 versets jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'il y avait comme science. Et comme acte. Et nous avons appris la science et l'acte ensemble. C'est-à-dire de sa parole que les compagnons, leur méthode, la foi, était qu'ils apprenaient et qu'ils mettaient en pratique ce qu'ils avaient appris. Ils apprenaient 10 versets et ils les mettaient en pratique. Et quand ils avaient terminé donc d'apprendre et de mettre en pratique ces 10 versets, ils allaient au-delà de ces 10 versets. فَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا مِنَ الْعِلْمِ الشَّرْعِ فَإِنَّ النَّاسَ يَحْتَجُونَ إِلَى عِلْمِهِ قليله وكثيره فكل الأمر ما قال الله فيهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولكن بعض الناس أوسع علما من بعض. يقول الله عز وجل فسالت أودية بقدرها. Et donc, ce qui est recherché dans ce qu'on a relaté, ce qu'on a mentionné, est que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la science, les gens en auront besoin, ils auront besoin de sa science, que sa science soit peu ou qu'elle soit immense, qu'il a peu ou plus de science. Mais il faut qu'il sache que sa science qu'il a, qu'elle soit peu ou immense, en fait, sa science est peu. C'est-à-dire, d'après la parole d'Allah Azza wa Jal, qui a dit, et certes, vous n'avez reçu que très peu de connaissances. Mais sachez que certaines personnes ont plus de science que d'autres. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal a dit, et il a fait descendre du ciel une eau dont les vallées servent de lit selon leur grandeur. C'est une parabole que Allah subhanahu wa a cité. Le verset vous trouvez dans Surat Ar-Ra'd. Cette parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité, donc c'est une parabole qui montre que lorsque la pluie donc tombe du ciel, il y a certaines vallées qui pourront contenir beaucoup d'eau si ces vallées sont grandes, et d'autres vallées que si elles sont petites, eh bien, ne pourront contenir que très peu d'eau. Elles ne pourront contenir que très peu d'eau. Également pour les êtres humains. Certaines personnes pourront avoir beaucoup de science et d'autres ne pourront avoir que très peu de science. فالناس يحتاجون إلى من أتاه الله من العلم شرعا لأن الناس طبقات متعددة والناس في أماكن مختلفة فإذا ذهب طالب العلم الصغير إلى قرية مثلا فوجد من يحتاج منه إلى شرح مختصر مثلا في الشهادتين بل أركان الإسلام والإيمان والإحسان فالطالب النبي أول ما يبدأ يحقق هذه المراتب فالدين مراتبه ثلاث الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فلما فرغ جبريل عليه السلام من مسائله للنبي صلى الله عليه وسلم والجواب عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر أتدري من السائل فقال عمر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فاعتبر هذه المراتب الثلاث هو الدين كله، لما فيه من العلم الغزير الكامل والمكتمل. Et donc les gens, ils ont besoin de celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la science. Les gens sont de différents degrés. Les gens se trouvent dans des divers endroits. Et donc, l'étudiant de science, petit, c'est-à-dire un petit étudiant de science, s'il se rend, par exemple, dans une ville ou un village, ben, il trouvera celui qui a besoin qu'on lui explique d'une manière brève les deux attestations de la foi. Et même plus, il a besoin qu'on lui explique les piliers de l'islam, de la foi, de la bienfaisance. Et donc, l'étudiant qui est clairvoyant, la première chose qu'il commencera à enseigner et qu'il concrétisera ces trois degrés, c'est-à-dire l'islam, l'iman, la foi, l'ihsan, la bienfaisance. Car la religion, elle a trois degrés. L'islam, l'iman, l'ihsan. Et lorsque Jibril alayhi salam a terminé, il avait terminé de poser les questions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que le messager sallallahu alayhi wa sallam répondait, il lui répondait à ces questions. À la fin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Omar radiallahu anhu. Il lui a dit, « Oh Omar, connais-tu le questionneur ?» Et Omar radiallahu anhu a dit, « Allah et son messager sont les plus savants. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « C'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. » Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a considéré que ces trois degrés, l'islam, l'iman, l'ihsan, c'est la religion entière. Et donc, en ce qu'il y a comme science abondante, complète. فَالنَّبِي مِنَ الطَّلَبَةِ الْعِلْمِ يَتَوَجَّهُ إِلَى تَحْقِيقَ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ ويدرسها على المشايخ مشايخ العلم أعني العلماء بالكتاب والسنة السائر على نهج سلفنا الصالح فيحمل ما سمع ويدونها ويبحث ويعلمها للناس فما أحوج الناس إلى أن يعلموا هذه المراتب. Et donc, celui qui a ou celui qui recherche la science, s'il est clairvoyant, il va tout d'abord concrétiser ses degrés. C'est-à-dire qu'il va enseigner, qu'il va orienter les gens vers ces degrés, l'islam, l'iman ou l'ihsan. Et bien sûr, que cette personne, cet étudiant, a étudié auprès des gens de science. Les gens de science, ici, ce sont les savants du livre, c'est-à-dire de la parole d'Allah, et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui suivent le chemin des prédécesseurs purs. Et donc, cet étudiant de science, il gardera ce qu'il a entendu. Il conservera ce qu'il a entendu. Il le mettra par écrit. Il fera des recherches. Et il l'enseignera aux gens. Et les gens ont grandement besoin d'apprendre ces degrés. فالناس أوفى فطلاب العلم على العموم الناس يحتاجون إليهم في غالب الأمكنة وأكثر الأزمنة فالناس يحتاجون إليهم أعظم من طعامهم وشرابهم. Et donc, les étudiants de sciences, les gens ont besoin de ces étudiants dans tout lieu et à toute époque. Les gens ont besoin des étudiants de sciences plus qu'ils ont besoin de manger et de boire. فَرَحِمَ عبد الله بن مسعود حين قال في وصيته كما جاء في مصنف لعبد الرزاق رحمه الله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو ما يفتقر إلى ما عنده. Et donc, qu'Allah fasse miséricorde à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il a dit, lorsqu'il faisait des recommandations, je vous recommande fortement la science, car l'un d'entre vous ne sait pas quand il n'aura plus accès à la science, ou quand il n'aura plus personne qui va lui enseigner la science. Ce athar a été rapporté par Abd al-Razzaq dans son livre Al-Musannaf. Alhamdulillahi alladhi fataha lana hadha al-bab al-azim alladhi huwa fihi al-fadl al-kabir wal-khayr al-wafir wa huwa al-ilm al-shar'i falnataqarrab ولنستمر ولا يكون لذلك منتهى حتى تفارق الروح الجسد. Et donc, louange à Allah qui nous a ouvert cette immense porte où il y a un bien immense, une grâce immense, mais la science légitime. Et donc, que nous nous rapprochions d'Allah Azza wa Jal en nous adonnant à la science et que nous soyons persévérants dans la science et que nous poursuivons dans la science. Et cela, notre dernier, et cela, jusqu'à ce que notre âme sortira de notre corps, qu'on persévère jusqu'à la mort. L'amour, man mata, wa huwa yatlubu l'ilm, amilan bih, nashiran minhu, fa huwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah, wa lahu l'ajrul mujahidina fi sabilillah. فقد روى الحاكم في مستدركه وابن ماجه في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء من غير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. Et donc, celui qui meurt en ayant recherché la science, en la mettant en application et en la propageant, en la diffusant, il est des degrés de ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Il a la même récompense que celui qui combat dans le sentier d'Allah. La preuve a été rapporté par Ibn Majah dans son Sunan et par Al-Hakim dans son Mustadrak et par Al-Bayhaqi dans Sunan Al-Kubra. D'après le compagnon Abu Huraira radiallahu anhu qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui vient à ma mosquée, qu'il n'est venu que pour du bien, c'est-à-dire pour l'apprendre, il faisait allusion à la science, pour l'apprendre ou pour l'enseigner, il est du degré de ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Et quant à celui qui est venu pour autre que cela, c'est-à-dire pour autre que la science, alors il est semblable, il est du degré de l'homme qui regarde qui regarde des biens, c'est-à-dire des biens de la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qui regarde ce qui se trouve dans la mosquée. فنكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله سنواصل هذا الكتاب وفي الأسبوع المقبل نبدأ الباب الرابع عندما قال البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. Donc ce soir on va se contenter de ce qu'on a vu. Donc on a terminé le troisième chapitre. Inch'Allah, la semaine prochaine on entamera le quatrième chapitre, lorsque l'imam al-Bukhari rahimahullah a dit chapitre, la parole du muhaddith. Du muhaddith, donc c'est celui qui est versé dans la science du hadith. Lorsqu'il dit, il nous a raconté, ou bien il nous a informé, ou bien il nous a communiqué. Donc on verra cela la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.